moi te montrer mes billets. Et une fois que tu seras prête, sur ton corps nu, je m'allongerai, car je suis vulgaire et vénal. Un petit con en bourgeoisie, une saloperie d'occidentale, homme à l'heure parfois négligé. Et comme 15 coups et bien birkinois, j'étais ton pygmalion. Aujourd'hui tu joues la victime, et moi je joue le pauvre con. Vivement le jour où la mort t'achève, mais que tu partes pour toujours. Ce jour sera doux comme un rêve, je pourrai retrouver l'amour. Le monde pourrait bien s'arrêter.